Audiomatique. Pour amorcer la transmission 490 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter le groupe texan The Octopus Project. Ils nous interprétaient la chanson Lead Ridge de son sixième album Memory Mirror, paru en 2017. Allons-y maintenant avec la formation Kiem. You are the city and the land. You are the street and continent. But don't you know you talk too much? Don't you know you talk too loud? You even don't know what you're talking about. You are the city and the land. You are the street and continent. You are a planet and a star. You know exactly. Talk too much, don't you know you talk too much? You even don't know what you're talking about. Thank you. Bien sûr, The Cure, qu'on vient tout juste d'entendre à Audiomatic, de l'album Head on the Door, sorti en 1985, c'était la pièce The Blood. Avant The Cure, nous entendions l'artiste péruvien Mickey Gonzalez et sa composition Tiempo de Nada, qu'on retrouve sur son deuxième album Tantas Veces, paru en 1987. Et pour amorcer la séquence, c'était le groupe Kiem, originaire des Pays-Bas, qui a été actif de 1983 à 1987 et a publié 3 albums. Du 3e album et dernier, intitulé You Should Try, sorti en 1987, nous avons entendu la pièce Much and Loud. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation japonaise Mass of the Fermenting Dregs. Il s'agissait à Audiomatic de l'artiste américaine Julia Alter, de son sixième et plus récent album Something in the Room She Moves, sorti le 22 mars 2024. Nous vous avons présenté la chanson Talking to the Whisper. Et pour amorcer cette séquence, nous avions droit à la formation japonaise Mass of the Fermenting Dregs et la pièce End Roll, extraite de ce que l'on pourrait qualifier de premier mini-album, qui est homonyme et qui a été lancé en 2008. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique du groupe Accessory. Reach. know what she'd say? To open your eyes a little wider. I know she'd tell you that there's too much beauty to quit. Audiomatic, nous venons tout juste d'entendre le projet Monitor, mené par le producteur norvégien Sebastian Comor, qui a notamment été membre de la formation Icon of Coil. Donc, Monitor nous a offert sa pièce Horizon Sun, apparaissant sur la seule publication physique du projet, à savoir un album CD conjoint avec la formation italienne Blank et dont le titre est U-Turn 3, The Dark Side of the Beat. Avant Monitor, nous entendions le groupe Accessory et sa pièce The Hole, tirée de l'album More Than Machinery, paru en 2008. En conclusion de cette transmission 490 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe Les Bicyclettes Blanches, basée à New York, de leur plus récente parution intitulée Seats, qui ne comprend que deux pièces, nous entendrons la chanson Oddity. Soyez à l'affût de la transmission 491 d'Audiomatic qui sera diffusée en direct mercredi prochain dès 17h et par la suite disponible dans les univers numériques dont une des portes d'entrée est notre profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Les Bicyclettes Blanches et la chanson Oddity. C'était Audiomatic avec les sonoristes.